Hey. Je t'ai donné 99 fois, mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, non. Ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Et j'ai repensé à tout ça sans arrêt. On a fait tout ce que t'aimais, même quand moi je le testais. Au final, je vois que l'addition est salée. Je regrette maintenant, je comprends ma main qui me disait fille sur le sable. Elle est trop mauvaise, on le sait. Les gars vont m'en dire, on le sait. Y'a mieux. Et en vrai, c'est trop tard. Tu veux la vérité, j'ai trop parlé. Et je me dis qu'il est temps de se dire adieu. Yeah, yeah, yeah. Je t'ai donné 99 fois, mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On n'ira nulle part, non. Ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, Ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Au revoir, je suis lassé. Toi, moi, le passé. Je vais pas te retenir. Et plus rien n'est resté. Faut que t'apprennes le respect. Je veux plus te voir ni te sentir. Je connaissais les risques, j'ai joué quand même. Je vais l'assumer. Nous deux, c'est comme un disque qui ne fonctionne plus parce qu'il est rayé. Oh, s'il y a bien une chose dont je peux être sûr, c'est que je suis dépassé. Il n'y a plus d'espace dans mon disque dur, je dois t'effacer. Je t'ai donné 99 fois. Tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Nulle part, nulle part, on ira nulle part. On ira nulle part, nulle part, ingrate.